chorale, mais c'est quoi ce blaze? Si c'est R-A-Y-Z. Eh ouais, je suis Rital, et ouais, je te pisse au cul. Franchement, tu nous sors du cul. Vu ton blaze, t'es pour anal, pauvre taral. Espèce de petit PD, t'as voulu clasher, mais t'as trébuché, tu nous as à peine effleuré. C'est pas parce qu'on dit rap FR que tu dois te croire vénère. Pauvre Becker, je débarque du 7-1-0. Ce son, je le dédicace à tous les Belges, Rital, et tous les MC du 7-1. Région du 7-1, on nique la mère du chacal, le chacal de Pocoral. Qu'on soit Rital ou Belge, on te baise et on s'en bat les couilles, que ça te plaise ou pas. Poco Poco, t'es qu'une ponif. Région du 7-1, on nique la mère du chacal de Pocoral. Qu'on soit Rital ou Belge, on te baise et on s'en bat les couilles, que ça te plaise ou pas. Poco Poco, t'es qu'une ponif. Dans ce clash, te slash et tu clams. Fais honte à ta nation et à ta sale face de con. Sache que je viens d'STR comme mon initial R. Mais toi je vois vraiment pas d'où tu sors, Poco le clodo. A la place d'essayer de mettre la pendule à l'heure, essaye un plan Wet Watcher. Je te jure que t'es qu'une erreur de la nature. Je m'en bats les couilles d'être connu. Je veux juste faire de toi la nouvelle clade du net. Mémorise 7-1-0 et 7-1-0. Et ouais, ta cote c'est bien 0, blaireau. Je te considère comme un petit suicidaire. Mario saute pour avoir les pièces. Toi tu te fais sauter pour avoir des pièces. Région du 7-1, on nique la mère du chacal, le chacal de Pocoral. Qu'on soit Rital ou Belge, on te baise et on s'en bat les couilles, que ça te plaise ou pas. Poco Poco, t'es qu'une ponif. Ouais, ouais. Région du 7-1, nique la mère du chacal, le chacal de Pocoral. Qu'on soit Rital ou Belge, on te baise et on s'en bat les couilles, que ça te plaise ou pas. Poco Poco, t'es qu'une ponif. Région du 7-1, on nique la mère du chacal, le chacal de Pocoral. Qu'on soit Rital ou Belge, je te baise et on s'en bat les couilles, que ça te plaise ou pas. Poco Poco, t'es qu'une ponie. C'était R-A-Y-Z. Je viens de te clasher, Poco merde. T'es devenu la nouvelle clète du net. Hé, t'es la nouvelle clète du net, mec. R-A-Y-Z, mémorise ces textes. C'était pour le 7-1-0 et pour le 7-1-0. Fallait pas clasher, du moins essayer de clasher. Évite de pleurer, mec. R-A-Y-Z.